Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Avec notre partenaire Énergie, le kit de 8 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 3 kW crête ou équivalent est à partir de 5 890 € fourni posé. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Service proposé sous réserve de faisabilité. Prix après remboursement de la prime d'investissement d'un montant maximum de 1 050 € sous réserve d'éligibilité. Voir conditions et modalités sur bd-rénovation-énergétique.fr. Offre proposée et réalisée par la société Énergie. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous parlons du printemps cette semaine, des représentations qu'il suscite. Regardons cela de près. Deuxième épisode ce matin. Recommencer, encore, point d'interrogation. Recommencer, c'est l'injonction que le printemps peut sembler prononcer, à son exemple d'ailleurs, puisque lui, le printemps, si l'on peut dire, recommence la vie chaque année. Douce invitation sans doute, mais en réalité cette affaire de recommencement est loin d'être simple et fluide. Les nouveaux débuts n'ont ni l'innocence du premier début, ni la sérénité de la reproduction de l'identique, puisqu'il s'agit de recommencer, de retrouver une certaine énergie ou fraîcheur. Toute la difficulté est là, nous allons l'explorer ce matin, en ayant en tête peut-être le motif de la vie nouvelle qui tenait à cœur à Roland Barthes dans les dernières années de sa vie, et assurément en évoquant la reprise, selon Kierkegaard, la reprise est le titre d'un de ses livres paru en 1843, reprise qui pourrait signifier quelque chose comme une répétition sans la répétition. Bonjour Mathieu Paul-Bonneville. Bonjour. Vous êtes philosophe, aujourd'hui directeur du département culture et création du Centre Pompidou à Paris. Vous avez écrit plusieurs livres. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de votre essai paru chez Verdi en 2018 qui s'intitule « Recommencer ». Et bonjour Vincent Delecroix. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, auteur de nombreux ouvrages qui vont sans nul doute traverser notre conversation d'aujourd'hui. Vous êtes un très bon connaisseur de la philosophie de Kierkegaard et vous interviendrez aussi, bien entendu, à ce titre, aujourd'hui. Le soleil change tout, on n'a plus de manteau qui nous encombre et on est bien. C'est agréable, on sort, on est de bonne humeur. On pense déjà à nos vacances d'été. Pas de doute, le moral remonte avec les températures et la science confirme. Le corps se réchauffe, ce qui est beaucoup plus agréable. À ce moment-là, on est beaucoup plus détendu et éventuellement, en jouant sur les sécrétions de la sérotonine, de la mélatonine, à ce moment-là, il semble que ça joue aussi sur le sommeil, ça joue sur le réveil et donc sur la qualité de vie. Bref, que l'on soit à quatre pattes, assis ou debout, la vie semble plus belle. Bien sûr que ça fait du bien, c'est plein d'énergie si on recharge les batteries. Reportage de France 3 d'avril 2011, c'est si simple, ça marche tout seul, a-t-on l'impression, un peu de lumière et hop, nous voilà plus heureux. Pourtant, cette nouveauté s'inscrit dans une vie où nous avons déjà connu cela. Année après année, est-ce si simple de recommencer, de retrouver encore cette énergie du printemps? Retour du premier glacier aux portes du Luxembourg, où de patients jardiniers replantent pied par pied les tulipes de Hollande, pendant que sur les bassins s'ouvre la saison des régates. De tendres dialogues s'ébauchent sous tous les marronniers. Dialogues sans âge, que continueront les chaises vides, car pour ces vieux témoins, ce printemps n'est qu'un printemps de plus. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Les chaises du Jardin du Luxembourg savent bien, suggère ce reportage de 1947 des actualités françaises que vous venez d'entendre. Elles savent bien que ce début apparent joyeux n'est qu'un recommencement précédé de beaucoup de débuts. Non, il n'est pas sûr que la joie printanière soit sans ambiguïté ni sans difficulté. Qu'en pensez-vous, Mathieu Paul-Bonneville ? Elle est effectivement ambiguë, mais c'est une belle ambiguïté. le mot recommencer en français a cet intérêt de signifier à la fois, de suggérer à la fois le renouveau et la répétition. Le renouveau et le retour. Donc, on peut l'utiliser des deux manières. C'est évidemment paradoxal puisque si c'est nouveau, pourquoi revenir? Et c'est une ambiguïté qui n'est pas un hasard. On la retrouve dans plein de langues, par exemple en anglais, pour dire à nouveau, on dit once again. Mais si once, pourquoi again? Ce qui a lieu une fois, la première fois, la toute première fois, doit revenir. Et cette idée de recommencement suggère que recommencer, c'est toujours en même temps chercher l'absolument neuf et s'inscrire dans une forme de, on y viendra tout à l'heure, de reprise, de répétition, etc. Ça peut être fatigant. Tout cela, d'ailleurs, on a entendu un reportage pour dire comment les gens se sentent mieux au printemps. Mais il y a aussi des gens qui se sentent moins bien au printemps. Il y a une fatigue de fin d'hiver, il y a des allergies, bien sûr, mais il y a une fatigue. Reprendre, c'est difficile. Vous le soulignez dans votre essai. Reprendre, c'est difficile pour plein de raisons. Ce qui est intéressant... Bon, d'abord, il faut dire que le printemps est tout de même la synthèse heureuse de ces deux aspects, puisque au printemps, on jouit à la fois du retour de la saison et du renouveau. C'est au fond, on peut à la fois profiter du fait que ça revient à date fixe, et puis qu'en même temps, ce retour est plutôt de l'ordre du neuf, de la nouveauté, etc. Donc, on a en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que les forces vous reviennent. Mais elles vous reviennent sans que nécessairement vous l'ayez voulu ou sans que vous l'ayez prévu. Elles vous saisissent. Le printemps, il a cette capacité étrange de vous faire vous sentir mieux sans que, d'une certaine manière, cela vienne de vous. Vous voyez, ça va mieux. Le spécialiste qu'on entendait dans le premier reportage disait « ça joue sur la sérotonine, la mélatonine et tout ce que vous voulez ». Autrement dit, ce qui vous rend vos forces ne vient pas de vous. Et c'est une étrange faiblesse qui vous bouleverse de l'intérieur au moment même où vous récupérez un peu de respiration, de capacité, de joie, etc. Vous sentez que, au fond, c'est parce que vous êtes exposé à une forme d'événement extérieur. Pessoa en parle très bien dans le livre de l'intranquillité. Il parle de cette sensibilité météorologique, de cette façon dont nous sommes des animaux qui, selon qu'il fait beau ou qu'il y a des nuages, nous ne nous sentons pas de la même façon. C'est une drôle de fragilité, c'est une drôle de vulnérabilité. Au printemps, on se sent à la fois plus solide et plus vulnérable, parce que le lieu d'où nous vient notre force est lui-même un lieu qui nous expose. Comme disait Bachung, rien de plus dur que le moment doux. J'aime bien le passage de Pessoa à Bachung. Vincent Delacroix, inutile d'être un être aussi torturé que Kierkegaard pour éprouver cette fragilité du moment printemps où une énergie semble revenir qui ne provient pas de nous, disait à l'instant Mathieu Pot-Bonneville. Et en même temps, parfois, cette énergie, elle met du temps à se déclencher. Il y a une fatigue du printemps. Oui, probablement. Mais si on se place d'un point de vue kierkegaardien, ce recommencement de la nature est faux, en quelque sorte. Il y a de recommencement que dans l'ordre spirituel, que dans l'ordre de l'esprit. Là, c'est mieux lui dire. Ou Kierkegaard, ou c'est vous qui parlez? Non, c'est lui, ce ne sera que lui ce matin. Ah, vous ne voulez pas? Non, j'assume absolument rien du tout. Non, simplement, comme les chaises du Luxembourg le vivent, c'est un éternel recommencement, donc en fait, rien ne recommence, c'est du continu. Et c'est pour ça qu'il y a des lois de la nature. Donc en fait, il n'y a pas de nouveau. Il y a du nouveau que dans l'ordre de l'esprit pour Kierkegaard. Donc que pour, dans une confrontation un peu gigantomachique entre la nature et l'esprit, mais ça épouse le caractère qu'on vient d'évoquer, parfaitement contradictoire de l'expression. C'est-à-dire c'est à la fois la puissance du même, la répétition ou le recommencement, et la puissance de la différence. Soit c'est du nouveau, soit c'est toujours la même chose. Et ce recommencement dans la nature ne témoigne que en fait d'un présent continu qui est celui des lois de la nature. Voilà, c'est une répétition naturelle, c'est ça. Pardon, je veux pas vous gêner, mais vrai que vous êtes philosophe et je me demande si quand on a travaillé si longtemps et si profondément comme vous sur Kierkegaard, ça vous change la vie. Oui. C'est-à-dire que vous êtes devenu kierkegaardien ou bien, au contraire, vous mettez à distance tous ces sentiments et vous essayez de vivre autrement que le jeune homme kierkegaardien dans La Reprise ou même dans Le Journal du Séducteur. Vous essayez d'être différent de lui? C'est variable, hein, à dire vrai, et c'est d'ailleurs fait pour ça, parce que comme c'est une philosophie de l'existence, il est probable qu'on y trouve à chaque stade de l'existence des enseignements ou des répulsions différentes. Donc il y a des choses qui vous attirent au début, en général pas les bonnes, et puis vous y revenez justement, donc vous recommencez, puis à un moment donné où effectivement il y a la fatigue du printemps, et y revenir commence à vous gonfler sérieusement, et voilà, vous le tenez à distance, mais c'est une philosophie qui est captieuse, hein, et qui est faite pour ça, donc qui est faite pour vous attirer, pour vous repousser. Et voilà, ça épouse l'escansion de l'existence. Après, ça devient complètement indiscernable, savoir ce que vous devez à cette lecture et ce que vous apportez à cette lecture, ça devient complètement indiscernable. Les auteurs du nord de l'Europe ou des contrées froides ont peut-être un rapport au printemps tout à fait singulier. Dans votre livre, Mathieu Pont-Bonneville, vous évoquez carrément quelqu'un que je ne connais pas du tout, donc je ne suis même pas sûre de prononcer bien le nom, Jørn Riel, on dit comme ça, Jørn Riel, qui a écrit sur le Groenland, notamment sur les visiteurs qui séjournent, parfois un peu perdus, n'arrivant plus à rentrer. Ça s'appelle, dites-vous, les racontars arctiques. Je me garderai bien de dire ce qu'il y a dans ce livre, je vous fais confiance, mais justement, qu'y a-t-il dans ce livre? C'est magnifique, c'est une série d'ouvrages truculents, une série de courtes histoires que se racontent ou que sont censés se raconter les chasseurs de phoques du Groenland dans la première moitié du XXe siècle. Ce sont tous un peu des exilés, marginaux en quelque sorte, distants les uns des autres de quelques centaines de kilomètres, donc pour se rendre visible c'est compliqué. Et l'une des belles choses que raconte ce livre, c'est que l'hiver ça tient et au printemps ça craque. Autrement dit, nos amis chasseurs, tels que Jørn Riel les décrit, tiennent bon. Dans la grande nuit polaire, ils rentrent la tête dans les épaules, ils se barricadent et s'arment contre la grande mélancolie de la nuit. Et quand le soleil point, alors là, ils deviennent fous. C'est-à-dire que c'est là où précisément, au premier rayon du soleil, vous avez envie de vous mettre à courir en hurlant nu dans la neige. Parce que vous avez tenu bon et que quelque chose cède en vous, quelque chose se fracture. C'est plus dur de retrouver la cyclicité, le jour-nuit, l'alternance, que de s'installer, même si c'est un moment difficile, dans la nuit. En tout cas, ce qu'il suggère, c'est surtout ne plus se barricader derrière une volonté d'acier. Hein. Je me souviens du début du Tropique du Capricorne de Henry Miller, où il dit que combien il déteste sa famille d'avoir prétendu que lorsqu'il pleuvait, qu'il brunait, qu'il crachinait, c'était vivifiant. Il disait halte assez à cette moralisation du climat qui nous fait croire que un climat maussade est bon pour le moral. Non, et lui qui est du côté évidemment des sens et du corps et de la grande jouissance de vivre, proteste contre ça. Au fond, l'hiver est une saison pour la morale et le printemps est une saison où le moral revient. C'est pas tout à fait la même chose d'avoir la morale et d'avoir le moral. D'accord, c'est un peu kierkegaardien, le moral, la morale, cette distinction, Vincent Delecroix. Oui, attribuer à la nature des vertus, quelle qu'elle soit, est un peu assez peu kierkegaardien. C'est un romantique, mais c'est un post-romantique aussi. Donc il est dégrisé du sentiment de la nature, pour des raisons d'ailleurs à la fois philosophiques et religieuses. Donc oui, il est imprégné du sentiment de la nature, de l'exaltation, et donc sensible à ce renouvellement, aux perspectives qu'elle ouvre dans sa reverdie. Bien sûr, mais la tâche, c'est pas celle-là. C'est pas d'épouser la nature, justement. C'est pas d'épouser le rythme de la nature, c'est de s'en arracher. Et l'arrachement, parfois, nous fait aller trop vite. Enfin, c'est une impression personnelle que je vous donne. On a l'impression que ça dure, ce printemps. Il est là, il y a la lumière, mais en fait, on a froid le matin. Et c'est intéressant parce que dans Allons des jeunes filles en fleurs, Proust parle du printemps comme quelque chose de glacial, en fait. On a souvent très froid alors qu'on attend le réchauffement. Quand le printemps approcha, écrit Proust, ramenant le froid, autant des seins de glace et des giboulées de la Semaine Sainte, comme Madame Swann trouvait qu'on gelait chez elle, il m'arrivait souvent de la voir recevant dans des fourrures. Et plus loin, la châtelaine de Tansonville savait qu'Avril, même glacée, n'est pas dépourvue de fleurs, que l'hiver, le printemps, l'été ne sont pas séparés par des cloisons aussi hermétiques que tente à le croire le boulevardier qui, jusqu'aux premières chaleurs, s'imagine le monde comme renfermant seulement des maisons nues sous la pluie. Nous croyons qu'il y a une rupture, en fait c'est continu, et sous le froid glacial, parfois, de fin mars, début avril, il y a les fleurs. Proust nous amène à cette sagesse du continu alors que nous sommes en train de penser la rupture. Du continu ou des articulations plus fines que nous ne croyons, puisqu'au fond, quand on fait de la philosophie, il est bon de situer les concepts qu'on utilise ou qu'on essaie de fabriquer. Là, on essaie de se fabriquer un concept du printemps et on sent bien qu'il faut quand même le circonscrire. Ce dont nous parlons, c'est d'un concept grosso modo occidental, européen du printemps. Se souvenir ici que les Japonais, par exemple, ont un nombre de saisons et une distinction des saisons qui est infiniment plus fine, déliée, subtile que la nôtre. On en trouve trace dans les films d'Ozu, vous savez, printemps tardif, automne précoce, oui, etc. C'est-à-dire que le printemps, c'est un concept un peu massif pour décrire la diversité de ces nuances de rapport au monde qui viennent s'articuler dans l'expérience d'une année. Hein. Se souvenir aussi qu'il y a des pays et des continents et des zones du monde qui sont sans saison, qui sans doute relèvent d'une expérience différente. Ce que décrit Proust là, qui est très beau, je trouve, me fait penser à une phrase de Pierre Michon dans Maître et serviteur, où décrivant l'enthousiasme du jeune Francisco Goya, parce qu'on vient d'apprécier ses premières peintures, il dit « Le bonheur, c'est pas quand ça va, c'est quand ça va aller ». Et cette promesse-là, cette dimension de tension, de promesse, qui n'est pas l'adhésion à l'instant en lui-même, qui n'est pas la grande ascèse philosophique de tenir à l'instant sans promesse, ni sans passé ni futur, c'est cette idée que ça va aller, c'est sans doute ce que le printemps nous apporte de plus beau, et puis après, ça se gâche, mais c'est normal. Ça va aller, c'est sans doute ce que cherche le narrateur, on peut dire l'auteur, je ne sais pas si ça correspond exactement, dans ce cas précis, de la reprise, ce texte de Kierkegaard de 1843, dont nous allons un peu parler, peur de l'échec, espoir que ça aille, doucement, demain, écoutez cet extrait, donc, de la reprise de Kierkegaard. L'amour, selon la reprise, est le seul heureux. Comme l'amour, selon le ressouvenir, il n'a ni l'inquiétude de l'espérance, ni l'angoisse de l'aventure et de la découverte. Il n'a pas non plus la douce mélancolie du ressouvenir, mais il a la bienheureuse assurance de l'instant. L'espérance est un vêtement flambant neuf, raide et trop ajusté. Pourtant, on ne l'a jamais eu sur le dos. C'est pourquoi on ne sait comment il vêtira ou comment il ira. Le ressouvenir est un vêtement au rebut. Si beau soit-il encore, il ne va plus, parce qu'on a grandi et qu'il est devenu trop petit. La reprise est un vêtement inusable, assoupli et fait au corps. Il ne gêne ni ne flotte. L'espérance est une charmante jeune fille qui vous glisse entre les mains. Le ressouvenir est une belle vieille femme qui ne rend pourtant jamais service à l'instant où il faut. La reprise est une épouse aimée, dont on ne se lasse jamais, car c'est du nouveau seulement qu'on se lasse. Du vieux, on ne se lasse jamais, et quand on l'a devant soi, on est heureux. Seul et vraiment heureux, celui qui ne s'abuse pas lui-même dans l'illusion que la reprise apporterait du nouveau, car c'est alors qu'on s'en lasserait. Il appartient à la jeunesse d'espérer, à la jeunesse de se ressouvenir, mais il faut du courage pour vouloir la reprise. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Anna Fulpin de notre équipe d'Avec Philosophie lisait ce texte de Kierkegaard. Vincent Delecroix, vous connaissez très bien la philosophie de Kierkegaard. En lisant ainsi, en écoutant ce texte, enfin, j'ai l'impression que ce qui l'inquiète dans le fait de recommencer quelque chose comme un nouveau cycle, hein, peut-être, dans sa vie, c'est le risque de se lasser à nouveau. L'ennui est extrêmement présent, en tout cas dans cet extrait. Ah oui, et puis de toute façon, c'est une, C'est un affect qui est souvent travaillé par Kierkegaard, l'ennui. Mais d'abord, il faut se souvenir que le texte, la reprise, c'est pas de Kierkegaard, c'est d'un pseudonyme qui s'appelle Constantin Constantius, donc dont le nom est lui-même une répétition, et qui se place d'un certain point de vue, du point de vue de la reprise. Comme la reprise ou la répétition, c'est la catégorie fondamentale de l'existence, pour Kierkegaard, c'est vraiment la catégorie centrale. Il dit que tout l'intérêt de la métaphysique est concentré sur cette catégorie-là et qu'elle échoue sur cette catégorie-là. Donc c'est vraiment la catégorie centrale, c'est l'opérateur de l'existence. Et ben, il faut, j'allais dire, affiner ce concept et il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs reprises, plusieurs répétitions, plusieurs genres de répétitions. Celui qui parle ici et qui lit, et c'est pas du tout un hasard, c'est pas du tout un exemple, et c'est fondamental, qui lit amour et répétition, qui constitue la dynamique même de l'existence, hein, à partir du moment où on conçoit l'existence comme un devenir soi, c'est amour et répétition qui sont vraiment les deux phénomènes les plus importants ici. Celui qui parle ici, il parle d'une reprise immanente. Hein. Il n'y a pas de transcendance ici. Il se place du point de vue de l'esthétique, d'un point de vue kierkegaardien, du point de vue de l'esthétique, donc de quelqu'un qui pense la reprise, qui la perçoit, qui l'entreaperçoit, mais qui n'en perçoit pas toute la puissance, justement, de renouvellement. Parce que, de toute façon, cette puissance-là, elle ne relève que du religieux pour Kierkegaard. Mais ça, pour l'instant, laissons-le de côté. Donc, ce qu'il voit, lui, de la reprise, c'est un effet de continuité, effectivement, et c'est un effet louable de continuité. On parlait tout à l'heure de la différence entre le commencement immédiat et le recommencement. C'est très important pour Kierkegaard. Il y a des le commencement, c'est de l'immédiat, mais on ne peut pas s'en tenir à l'immédiat. Mais c'est aussi une forme de reprise ou de répétition permanente. C'est Don Juan qui recommence à chaque fois avec chaque femme qui et il oublie la précédente et la femme suivante efface la précédente et il vit dans un temps à la fois répétitif, instantané et complètement morcelé, complètement pulvérisé. Donc, d'une certaine manière, c'est une vie de dispersion, de recommencement éternel, totalement inconsistante, aux yeux de Kierkegaard, bien sûr, dont il faut se sortir. Donc, il faut entrer dans une consistance du temps. Et on y entre, paradoxalement, là aussi, par la répétition. Mais c'est à une autre puissance, dans ce cas-là. Et c'est ça qui est évoqué ici. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est Don Juan qui est un peu vieilli, qui peut être capté par le souvenir. Il peut vivre l'amour dans le souvenir. Mais il n'est pas dans la répétition ici. La répétition qu'évoque Constantin Constantius ici, il a une formule très étrange, mais qui est absolument parlante. C'est un ressouvenir en avant. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'inverser le temps dans cette dynamique. Ce qu'il décrit ici, c'est au contraire l'entrée dans une continuité temporelle, dans une consistance. La reprise, elle est permanente. C'est-à-dire c'est un instant ici, mais un instant qui dure. On entre dans la durée par cette répétition. Mais ce n'est pas la dernière forme de la répétition ici. On est certes, j'allais dire, garanti ou prévenu contre la nouveauté qui s'estompe très facilement. On n'est plus Don Juan ici. On n'est plus dans l'émerveillement et la fascination et d'une certaine manière le vertige de la nouveauté permanente qui n'est en réalité qu'une inconsistance de plus. C'est une reprise continue. Et dans l'amour, évidemment, pour Kierkegaard, on passe de la répétition du premier amour, qui est toujours le premier chez Don Juan. C'est toujours nouveau, c'est toujours le premier amour, à une reprise de l'amour. C'est la même femme, désormais, qu'on reprend. Ôtez-moi de deux doutes, quand même. On parle de ce texte de 1843. Premièrement, c'est Constantin qui s'exprime, qui est donc le narrateur. On est d'accord qu'il n'a pas signé avec un pseudo, Kierkegaard. Il l'a bien signé de son nom, ou bien c'est un pseudo. Donc, ouais. Ce point, pardon. Oui, c'est pas le narrateur, c'est l'auteur. D'accord. Enfin, c'est aussi le narrateur, enfin, mais c'est l'auteur. Ce texte-là est signé d'un pseudo. Ouais, ça m'avait un peu échappé. Et la deuxième chose, c'est que j'ai cru comprendre que la reprise a souvent été traduite en français par la répétition. Ouais. C'est une erreur grave, ou pas vraiment. Oui et non, c'est la croix des traducteurs, mais beaucoup de termes qui sont fondamentaux pour Kierkegaard relèvent de l'intraduisible danois. Il le voulait comme tel. La langue allemande, la langue de la philosophie, la langue de la métaphysique, de la spéculation, c'est la langue de la médiation, c'est l'Aufübung. C'est l'allemand, pour lui. C'est l'allemand. Donc ça, c'est la langue de la spéculation, c'est-à-dire précisément une langue qui ne peut pas accueillir la répétition. Une langue qui... Déjà dialectique avant Hegel. Une langue dialectique. Et ouais, bah, on trouve ça chez Luther, hein. Ouais. Et donc, c'est une langue qui est la langue de la médiation, c'est-à-dire d'un développement immanent, continu, logique. C'est la logique du concept par la médiation. Là, il n'y a pas de logique de l'existence. Et là, il faut chercher les termes danois, dans la langue vernaculaire danoise, qui sont intraduisibles, effectivement. Comme Yetel, c'est la répétition, la reprise. Donc, on ne sait pas comment traduire ce terme. Parce que ça veut dire les deux. Ça veut dire aussi la répétition théâtrale. C'est-à-dire, mais c'est, il faut bien comprendre, justement, par rapport à la médiation hegelienne, ou là, il faut bien comprendre la charge de discontinuité radicale. C'est-à-dire, il n'y a pas de développement continu et immanent. On ne devient pas soi par une espèce de développement logique du concept. Voilà, thèse, antithèse, etc. Et on avance, et on avance, et on avance jusqu'à l'épanouissement final. L'existence comme devenir soi, c'est pour ça que c'est du temps. C'est une rupture continue. C'est une rupture permanente. Il s'agit de se reprendre. Et il faut bien voir que l'autre catégorie qui est centrale pour penser cette dynamique de l'existence, c'est le saut. C'est-à-dire on passe d'un état à un autre, non pas continuellement, mais par saut. D'un stade de l'existence à un autre, par saut. Ben, il suffit de se représenter, même physiquement, ce que c'est que sauter, et on aura compris ce que c'est que la répétition aussi. C'est-à-dire se reprendre soi-même. Tout le corps se reprend, se constitue, se concentre, afin de sauter. Ah, voilà. C'est vrai qu'un être dialectique... Un Hegel, par exemple, c'est pas juste un exemple, c'est le paradigme de la pensée dialectique, n'a pas trop de mal avec le printemps. Il y a du continu, il y a de la rupture, voire de la contradiction, et puis, en fait, tout se réconcilie dans le mouvement du temps. Vous avez dit Aufhebung, le dépassement, on pourrait dire Versöhnung, la réconciliation. Bien sûr, mais avec, dans la phénoménologie de l'esprit, l'image du printemps est utilisée. Hein. Ouais. C'est le bourgeon qui est la fleur qui réfute le bourgeon, et ainsi de suite. Donc ça lui va très bien à l'esprit dialectique. Il s'en sort, mais si on pense des sauts et qu'on a peur de ne plus retrouver le continu, si le discontinu est tellement flagrant que la question du continu devient une question, justement. Là, c'est plus difficile, Mathieu Pot-Bonneville. Et peut-être que ceux qui n'aiment pas le printemps sont des esprits, ou qui sont un peu mal au printemps, sont des esprits peu dialecticiens. Oui, ou qui interrogent autrement le rapport du continu au discontinu. Je me disais, en vous écoutant, que ce mot de reprise, ce choix de traduire par la reprise, c'est un bonheur de traduction, parce que dans la reprise, en français, on entend aussi le reprisage. Et que le reprisage, c'est précisément l'art de raccommoder un trou d'une manière qui soit à la fois élégante, mais qui demeurera visible. Autrement dit, la marque de l'accroc va demeurer présente au tissu reconstitué. Par parenthèse, je suis pas très à l'aise avec la manière dont le texte qu'on a entendu lit l'une à l'autre la métaphore du vêtement et celle de la jeune fille. Je ne crois pas que les jeunes filles soient des habits, ni les vieilles femmes de vieux habits. Je trouve ça un peu embarrassant. Et d'ailleurs, je me disais que ces métaphores étranges qui passent par le vêtement, par la jeune fille, finalement signalent une limite peut-être de ce regard que Kierkegaard porte ici, qui est au fond de se dire que la question de la reprise est toujours une question de soi à soi. Il n'y a pas d'autre dans ce texte. Qu'on parle de vêtements ou de jeune fille, au fond c'est toujours du rapport du sujet à lui-même qu'il est question. Et la vérité, c'est que la rencontre, le printemps, c'est aussi s'affronter à une altérité, à une extériorité qui vous saisit, qui vous surprend. Hein, cette façon de se reprendre, se retrouver, etc. C'est peut-être réducteur à l'égard d'une expérience qui justement vous expose à de l'autre, à des autres qui peuvent eux vous surprendre et apporter de la nouveauté. Qu'est-ce que vous pensez comme une objection qui vient de vous faire là. Enfin, oui, mais c'est une objection qu'avait. Qu'avait évidemment anticipé Kierkegaard et contre laquelle il se bat. Et je suis pas sûr qu'il s'en sorte terriblement bien. Je suis même assez critique de ce point de vue-là. Simplement, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, la dynamique de l'existence, c'est le devenir soi. Bon, donc effectivement, c'est une philosophie de la subjectivité, c'est une philosophie de l'individu. Bon, de l'individu isolé qui plus est, c'est encore pire. Et on lui a fait suffisamment de reproches de ce point de vue-là, que ce soit Lévinas ou Adorno dans des contextes extrêmement différents, mais toujours à juste titre, il y a cette espèce de tropisme de l'ego qui paraît dominer justement la pensée de la répétition. Je me répète, je me reprends, parce que effectivement, le télos de l'existence, c'est le soi, c'est se constituer comme individu. Bon. Il ne faut pas se leurrer non plus, la deuxième chose, sur le caractère ici immanent de ce qui est décrit. C'est égotiste, ici. Il s'agit de jouir de soi. Il y a aussi un côté parfaitement esthétique, jouir de soi comme individu. La femme, les femmes, les rencontres sont des occasions. Voilà. Bon, il ne faut pas se leurrer sur le caractère aussi, j'allais dire, très daté de la pensée. Des femmes. Des femmes, c'est peu de le dire chez Kierkegaard, hein. C'est vraiment peu de le dire. Il partage à peu près tous les clichés de l'époque. Mais ce qui est notable ici, c'est qu'effectivement, et c'est la raison pour laquelle Constantin Constantius, en réalité, n'arrive pas à penser la répétition jusqu'au bout. C'est un échec, hein, l'histoire de ce livre. Ah oui, mais ce qu'est-ce qu'il n'est pas ? Alors, je vous propose qu'on traite cette question de l'échec comme tel, à travers le problème du printemps. Le printemps, c'est notre thème de la semaine, censé être tout à fait joyeux, mais il se trouve que quand nous analysons les représentations qu'il suscite, nous les critiquons, nous introduisons un peu d'angoisse, pour en reprendre encore un autre concept kierkegaardien. Et je suis ce matin en train de réfléchir, c'est surtout eux qui réfléchissent, j'essaye de les pousser dans leur retranchement et dans leur savoir. Mathieu Pot-Bonneville et Vincent Delecroix, nous parler de ce recommencement. Le re est une immense difficulté. Et ce re porte en lui un peu d'échec. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire la même chose que ce qu'on a fait avant. Il ne faut pas répéter exactement tout en ayant assez d'énergie pour continuer. L'échec est l'obsession, au moins autant que l'ennui, de Kierkegaard, Vincent Delecroix. Ah oui, et puis d'une certaine manière, bon, si vous vouliez parler du printemps... Et de manière joyeuse, je pense qu'il fallait pas trop convoquer Kierkegaard de ce point de vue-là. Peut-être même pas vous, puisque je rappelle que vous êtes l'auteur, mais nous on adore, donc c'est pas vraiment un problème, de Apprendre à perdre, un essai chez Payot, je crois que c'est en 2019, et Ce qui est perdu, un roman chez Gallimard en 2006, Vincent Delecroix. Oui, donc il fallait pas faire appel à un mélancolique, hein, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, il y a un côté mélancolique du printemps, hein, mais l'échec, on peut considérer qu'effectivement, pour Kierkegaard, c'est vraiment la logique de l'existence, là, pour le coup. C'est-à-dire que cette tentative de devenir soi, tant qu'on n'est pas dans le stade religieux, c'est une retombée permanente. C'est un échec complet. Et pour terminer ce que je disais tout à l'heure, paradoxalement, mais là encore, c'est sujet à beaucoup d'objections, paradoxalement, ce devenir soi, il devient effectif quand on est face à l'autre, au grand autre. Bon, quant à savoir ce que c'est que cet autre, c'est-à-dire Dieu, et quant à remarquer que cet autre écrase les autres, ça c'est incontestable. Hein. Et donc finalement, ça reste une espèce de dialogue presque intérieur de la subjectivité avec elle-même. C'est une objection qui est fondamentale, je pense, à Kierkegaard, et dont on peut pas se tirer si facilement. Mais tout le reste est échec. C'est ce qu'il appelle le désespoir. Pardon d'utiliser encore une catégorie qui fait flipper, mais c'est un peu le principe même, j'allais dire, l'affect essentiel de l'existence, y compris dans cette reprise, c'est le désespoir. Échouer toujours. Échouer peut-être mieux quand on passe de l'esthétique à l'éthique, par exemple, mais même dans l'éthique, même dans l'accomplissement de la personne morale, quand on se reprend comme personne morale, eh ben on échoue quand même. Mathieu Pot-Bonneville, l'échec dans le recommencement, c'est un enjeu fort et douloureux. Il n'y aurait pas de tentative pour recommencer s'il n'y avait pas d'échec. Et je pense qu'on ne saisit pas, plus profondément, je pense qu'on ne saisit pas l'expérience du recommencement si on n'en passe pas par des figures de l'échec. C'est ce que j'avais essayé de faire dans ce petit livre qui s'appelle justement Recommencer, c'est d'interroger au travers d'un certain nombre de figures littéraires des auteurs, des pensées, des écritures qui se sont approchées au plus près de l'échec et qui ont travaillé cette question du recommencement au plus près de son effondrement, de sa défaite. Il y a des figures absolument tragiques comme Cesare Pavese, par exemple, dont le journal, jusqu'à son suicide, est traversé par cette idée qu'au fond, il n'a jamais cessé d'être un débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas encore commencé à vivre, quelqu'un qui piétine dans les préliminaires d'une existence jamais sortie d'une enfance, mais au sens le plus malheureux de l'enfance. Vous avez Beckett, qui lui, au contraire, travaille sur le vif d'une répétition absolument terrible. Ce qu'on peut appeler chez Beckett le continuel, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. Si violemment qu'on veuille aller vers la fin, ça n'en finit pas. Donc, et là, la reprise est carrément à l'heure, alors, chez Beckett. Elle insiste dans une certaine vitalité, ce qui est assez beau chez Beckett. C'est la vitalité de ces personnages qui s'affrontent aux figures mélancoliques les plus noires. Chez Beckett, on insiste toujours beaucoup sur l'absurde, le non-sens, etc. Il y a aussi un humour beckettien, il y a aussi une férocité beckettienne, il y a aussi du désir chez Beckett, mais dans des formes vraiment très sourdes, comme ces petits filets d'eau qui courent sous la glace quand celle-ci commence à se dégeler. Donc pour répondre à votre question, oui, pour penser le recommencement, il faut penser l'échec. Voyez le très beau livre de Christophe Claro, paru tout récemment, juste sur cette question précisément de l'échec, où il lit la question de l'échec et la question de la traduction. Il faut penser l'échec, il ne faut pas non plus s'y attarder. Les pensées de l'échec sont parfois un peu ressassantes. Comment penser l'échec sans ressasser? Voilà une question printanière. Voyez, le printemps, c'est aussi le moment où on se dit, bon, alors, j'y suis vraiment... par exemple, c'est le moment où on fait le bilan des bonnes résolutions du 1er janvier. Vous voyez, on est en mars, on se dit, bon, alors le 1er janvier, je m'étais dit ça, nous sommes en mars. Force est de constater que ça n'a pas changé grand-chose. Donc, comme si d'ailleurs, il fallait recommencer le recommencement. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être que c'est en mars, en recommençant les bonnes résolutions de recommencement du 1er janvier, qu'on arrivera finalement à quelque chose. Alors, il y a un autre aspect, enfin bon, tout c'est lié à tout ce que vous avez dit, mais quand on recommence ou qu'on pense au désir de recommencer, on se dit, si je devais recommencer, une partie de ma vie, qu'est-ce que je ferais? Alors c'est une question qui se pose à un personnage du film de La Belle Époque, qui s'appelle La Belle Époque, le film de Nicolas Bedos de 2019, personnage sexuagénaire, Daniel Auteuil, à qui on propose de revivre quelque chose, mais il peut le vivre autrement, il peut décider d'être un autre personnage de cette époque, contre toute attente, eh bien, il choisit ceci. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous remercie. Je vais vous poser quelques questions dans un premier temps. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Ben, vous faites quoi dans la vie? Rien. En fait, si à la base je suis dessinateur, je dessine dans un journal. Je fais des caricatures d'hommes politiques. Cool. Mais le journal n'existe plus, donc... Enfin, si, il existe toujours, mais uniquement sur Internet. Et ils prennent plus de dessins. Ils prennent des conneries, mais pas de dessins. Ok. Donc, ça, c'est bon. C'est lui? Mais alors, dites-moi, vous aimeriez commencer quand? Ben, le plus tôt sera le mieux. C'est en ce moment, j'ai pas d'obligation, en fait. Pas de projet. J'ai plus rien dans la vie, alors. Super. Concernant l'époque, vous avez une idée ou vous me permettez de vous faire des suggestions? En fait, j'aime bien l'année 74. 1974? Oui, 1974. Le 16 mai 74, à Lyon. Ah ouais, vous êtes précis, hein? Oui, parce que ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. On fréquentait le même bistrot, c'est devenu une pharmacie. Et cette personne, elle est vivante? Non, elle est morte. Elle est morte depuis quelques années. Ah. Ça pose problème? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire? Pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Alors, dites-moi, dans la séquence, vous aimeriez incarner qui? Ben, moi. Ah, d'accord. Donc vous voulez rester vous-même? Ben oui, c'est pas que j'adore ça, mais en l'occurrence, à l'époque, c'était pas horrible d'être moi. Hein. Mm-hmm. Alors, c'était pas génial, mais c'était pas... C'était mieux. Ouais, je vous sens pas convaincu. Hein. Ah si, si, si, si. Si, si. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va prendre contact avec vous d'ici quelques jours. Et si vous êtes prêts, il y a quelqu'un qui va venir vous prendre. Alors, vous avez beaucoup souri tous les deux. C'est un bonheur de vous faire écouter cet extrait de La Belle Époque, film de 2019. Mathieu Pot-Bonneville, ce monsieur veut juste répéter exactement un moment très joyeux de son existence. Aucune envie de le vivre autrement. Le désir de l'identique. Alors, je laisserai Vincent commenter en Kierkegaardien la manière dont le chevalier de la foi n'est jamais, est indiscernable d'un bon bourgeois allemand, finalement, dont l'extrême de l'aventure spirituelle se confond entièrement avec ce qu'on a déjà vécu, les apparences extérieures de ce qu'on a déjà vécu. Ça, c'est un motif Kierkegaardien, je crois, assez fort. Juste remarquer que le cinéma est traversé, entièrement traversé, par cette figure de la répétition à l'identique et de ce qu'elle engage. Peut-être parce que le cinéma lui-même est répétition. Parce que, au fond, d'abord, il y a des films qu'on aime voir et revoir, vous savez, comme disent les magazines télé. Et puis, parce que le cinéma permet la répétition d'instant. Et si vous regardez l'histoire du cinéma, vous remarquez combien ce motif de la répétition, il y a de grands films, des films très connus, Groundhog Day par exemple avec Bill Murray qui est un immense chef-d'œuvre sur ce sujet-là, mais on peut penser à La Vie est belle de Capra, on peut penser au premier film de Scorsese où un type se rase devant son miroir et puis une fois qu'il a fini de se raser il recommence jusqu'à ce qu'il saigne entièrement du visage, un terrible film sur la guerre du Vietnam en fait, une métaphore. Cette question de la répétition heureuse, malheureuse, douloureuse, tragique, extatique, elle est absolument... Elle hante le cinéma. Elle traverse entièrement l'histoire du cinéma. Et c'est l'une des raisons de regarder des films, c'est de se demander comment on s'arrange avec la répétition dans sa propre existence. C'est un sujet passionnant. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans une discussion, mais peut-être que l'arrachement et le sens du nouveau traversent aussi le cinéma, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, ben, vous dites que c'est disait, très important l'envie. Vous savez ce que disait Bresson, hein. Bresson disait qu'il faisait répéter 50 fois les films, les scènes à ses acteurs, parce que ce qui l'intéressait, c'est que dans l'épuisement de toute nouveauté dans leur jeu, dans la manière dont ils devenaient, dont leur jeu devenait entièrement livide en quelque sorte, ce qu'on entendait, c'était la branche d'arbre qui toquait à la fenêtre. C'est-à-dire qu'il fallait parvenir à épurer en quelque sorte une forme d'ascèse, pas forcément sympathique d'ailleurs, mais dans une forme d'ascèse de toutes les formes superficielles de nouveauté pour accueillir en quelque sorte la nouveauté insigne qui est celle de l'événement minuscule qui va distinguer cet instant-là de tout autre instant. Ça, c'était peut-être que c'est une pensée aussi pour le printemps, c'est arriver à peut-être tendre l'oreille jusqu'à saisir le chant de l'oiseau, le bruit de la feuille qui germine, c'est-à-dire ces événements minuscules qui nous font signe depuis un ailleurs que nous avons désappris à entendre. Vincent Delecroix, le désir de l'identique nous empêche, d'après Kierkegaard, de nous ouvrir au neuf, de réaliser le saut dont vous parliez tout à l'heure. Oui, oui. Et alors, dans l'extrait qu'on a écouté, effectivement, c'est plaisant et aussi émouvant, puisqu'il s'agit de revivre un premier amour. Il faut se souvenir qu'elle était amenée à le retour du même chez Nietzsche quand il est présenté. Et il est présenté aussi, alors il y a de multiples présentations, mais c'est aussi le diable qui parle parfois. Oui. Ou qu'il le présente. Imagine que tu doives revivre éternellement ce que tu es en train de vivre actuellement. Alors, bon, il y a de multiples interprétations de l'éternel retour chez Nietzsche, c'est peu de le dire. Mais il y a une interprétation qui permet de regarder ça comme un véritable cauchemar. Il faut savoir, il faut avoir le courage, presque le désir de revivre même les mauvais moments. Exactement. Et ce qui est en revanche plus intéressant encore, je pense, c'est que cette perspective de l'éternel retour, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, elle a pour vertu... alors c'est une vertu extrême de faire éclater le sujet, justement, de le faire, le pulvériser. Il n'y a pas cette espèce de concentration de la subjectivité sur elle-même, non, au contraire. Le grand oui à la vie, c'est la vie qui traverse de ce point de vue-là, qui traverse le sujet dans cette répétition. Alors là, pour le coup, qui n'est même pas naturel, carrément cosmologique. Et alors, je vous en prie. Pardon, je pensais qu'il faudrait mettre en regard les textes de Nietzsche sur l'éternel retour avec cette merveilleuse préface du Gai Savoir sur l'ivresse du convalescent. Puisqu'au fond, si on parle de ce qui nous, à la fois, nous renforce et nous bouleverse, nous renforce et nous effondre, ce que Nietzsche décrit du retour de ses forces après la grande glaciation de la maladie qu'il a saisie, c'est la version subjective de cette, de ce dégel, en quelque sorte, qui vient le porter et le porter au-delà de lui-même aussi, le porter au-delà de lui-même comme sujet, en quelque sorte. Alors, recommencer, c'est aussi un enjeu dans la création artistique. Vous avez parlé du cinéma, mais au fond, pour chaque artiste, pour chaque écrivain, pour chaque philosophe peut-être, il arrive un moment où on se dit « c'est terrible ». Si je fais encore un livre, ça va juste être une répétition de tout ce que j'ai dit avant. Ils sont morts de rire, je tiens à dire aux auditeurs. J'avais l'impression de dire un truc assez triste, mais en fait, ça vous fait... Vous connaissez bien les écrivains. Non, mais ils sont angoissés par cela et on le comprend très bien. Alors, Roland Barthes, lui, a pris ce problème à bras-le-corps peu avant sa mort, mais il ignorait évidemment qu'il allait mourir. Il est mort en 1980 dans un accident de vélo, mais à partir de 1978, il a proposé un cours en deux parties, la préparation du roman, où il posait cette question exactement. Et si je changeais tout, si je changeais de style, et qu'est-ce que c'est que ce désir d'écrire un roman? Parce que le roman, c'était probablement un peu tabou à ce moment-là comme forme littéraire pour cette époque qui préférait assez nettement la poésie ou l'écriture d'essais. Et la question se pose évidemment de savoir qu'est-ce qu'il a laissé. Il a quand même laissé un roman, semble-t-il, inachevé, mais beaucoup ont pensé qu'il ne laissait rien du tout, qu'il ne parlait que du désir du roman. Voici un extrait de ce cours, la préparation du roman. On l'écoute. Changer. C'est-à-dire donner un contenu à la secousse du milieu de la vie. C'est-à-dire, en un sens, un programme de vie, de vita nova. Or, pour celui qui écrit, qui a choisi d'écrire, c'est-à-dire qui a éprouvé la jouissance, le bonheur d'écrire, presque comme premier plaisir, il ne peut y avoir de vita nova, me semble-t-il, que la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture. Certes, on peut imaginer de changer de contenu, de doctrine, de théorie, de philosophie, de méthode, de croyance. Certains le font. Grande mutation doctrinale sous la détermination d'un événement, d'un trauma. Mais c'est banal. Changer d'idée, on le fait comme on respire. Investir, désinvestir, réinvestir, c'est la pulsion même de l'intelligence en ce qu'elle est désirante. Pour qui a écrit le chant de la Vita Nova, ce ne peut être que l'écriture. La découverte d'une nouvelle pratique d'écriture. Le nouveau escompté. C'est seulement ceci, que la pratique d'écriture rompe avec les pratiques intellectuelles antécédentes. Que l'écriture se détache de la gestion du mouvement passé. Le sujet écrivant subit une pression sociale pour l'amener, le réduire, à se gérer lui-même. À gérer son œuvre en la répétant. C'est ce ronron qui doit être interrompu. Mathieu Pot-Bonneville, vous faites référence à la vita nuova, à laquelle rêve Barthes, si j'ose dire, à un moment de sa vie, cette envie de recommencer toute son œuvre, d'en faire une autre. Qu'est-ce que ça vous a inspiré et comment finalement ce problème revient en chacun de nous, peut-être au printemps? Alors c'est vrai que cette question de la vita nova que Barthes reprend évidemment à Dante, puisque c'est quand même le grand motif chez Dante, poétique, cette idée que la poésie est vie nouvelle, qu'elle est promesse ou atteinte d'une vie nouvelle. C'est un motif extrêmement important dans la littérature, cette idée qu'écrire pourrait parvenir à changer entièrement, à se changer entièrement, qu'on pourrait changer entièrement l'écriture elle-même. C'est un motif paradoxal, parce que d'abord écrire, c'est utiliser des signes usés, c'est utiliser des signes qui, par définition, ont déjà servi. On n'écrit jamais que dans le langage, qu'en répétant le langage, la langue qu'on a reçue. Donc cette question du recommencement, elle est à l'œuvre. Sitôt que vous prenez un stylo pour écrire, au fond, les lettres que vous tracez l'ont déjà été, les mots que vous prononcez l'ont déjà été. Ça, c'est une première chose. Et puis, cette idée aussi que l'écriture vient répéter la vie d'une façon qui, à la fois, l'accomplit, mais l'accomplit de manière un peu mélancolique. C'est le motif proustien du temps retrouvé. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut n'avoir pas vécu pour retrouver dans l'écriture la vie qu'on n'a pas vécue. Donc, comment échapper ce qui travaille Barthes à ce moment-là dans la préparation du roman, c'est échapper à ça. Est-ce qu'il est possible de faire de l'écriture non seulement le réceptacle d'une vie qu'on a traversée sans l'avoir vue, non seulement la répétition de l'ordre des signes tels qu'ils sont déposés et inscrits dans la langue qu'on utilise, mais une possibilité même de changement. Est-ce que c'est possible d'écrire comme ça? Et au fond, ce que fait Barthes dans un geste très beau, c'est qu'il prouve le mouvement en marchant. C'est-à-dire que travailler pour lui ce motif du recommencement, du changement d'écrire, c'est une manière de s'y exercer. Il s'exerce à écrire autrement dans la réflexion, la méditation, dans cet étrange séminaire qui ressemble à aucun cours au monde, qu'est la préparation du roman. Qu'on trouve au seuil la retranscription de ce cours. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Delcroix? Tout changer? C'est important quand même de penser, non? Oui, sauf erreur de ma part, on pratique assez souvent le rapprochement entre ce cours sur la préparation du roman et le journal de deuil, c'est-à-dire l'événement, vraiment l'un des événements centraux de l'existence de Barthes. Je suis content que vous le disiez, parce que déjà tout à l'heure sur Kierkegaard, je voulais quand même rappeler qu'il était hanté par la mort de ses proches. C'est incroyable le nombre de morts que Kierkegaard lui-même a eu autour de lui. Sa mère, ses trois sœurs aînées, deux de ses frères. Tout le monde entre 1819-1834, avant 33 ans je crois tous, âge du Christ, ça l'interroge. Et donc que ce soit Kierkegaard ou Barthes, le problème de la reprise, du changement, recommencer sans répéter, etc., advient sur fond de deuil. Ouais, et dans ce qui est caractéristique, enfin ce qui fait du journal de deuil un texte. Enfin, pour ma part, que je juge vraiment extraordinaire, c'est justement l'épreuve d'une certaine consistance du temps fait de répétition, de piétinement, justement, une espèce de surplace de la douleur, à l'épreuve de laquelle Barthes s'insurge contre cette idée que, bon, on va le dépasser, il va y avoir, ça va aller mieux. Il faut se reprendre et puis on va dépasser ce temps du deuil. Mais justement, le temps du deuil, il est infini. C'est sa caractéristique formelle, c'est qu'il piétine, c'est qu'il se répète, qu'il régresse et qu'il avance. Et finalement, on fait du surplace. Et il y a vraiment une espèce de principe de rupture, de discontinuité radicale avec la Vita Nova, avec l'idée de Vita Nova, justement. Et ça, c'est très kierkegaardien. I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. Whoa. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night, and I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. There's always something there to remind me, une chanson de Dionne Warwick. de 1967, And I Will Never Be Free, je ne serai jamais libre, avec tous ces souvenirs que j'ai à chaque fois que je me promène dans ces lieux connus, dit-elle. Évidemment, ça interroge la reprise, celle qui voudrait ne jamais rien répéter. Merci Mathieu Pot-de-Bonneville, merci Vincent Delecroix pour toutes vos analyses ce matin sur Recommencer. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui n'est pas sans rapport avec notre sujet, puisqu'il nous parle cette semaine de la mémoire. Voici le pourquoi du comment. Comment la mémoire nous fait-elle revivre ? La mémoire n'est pas seulement une faculté de conservation du passé, c'est évidemment aussi une faculté de reproduction du passé dans le présent, mais le décrire un peu comme ça, avec les termes du psychologue Théodule Ribaud à la fin du 19e siècle, qui ont influencé tellement de philosophes, d'écrivains et de psychiatres ou de psychanalystes, c'est encore un peu abstrait, encore un peu théorique. En réalité, la mémoire ne nous fait pas seulement reproduire des contenus antérieure dans une sorte de discours présent, comme quand nous cherchons un verbe que nous avons oublié dans notre langue ou une autre langue. La mémoire nous fait véritablement revivre le passé, c'est-à-dire non pas seulement le reproduire comme contenu, mais le répéter comme action, comme si nous étions encore au passé. Et se revivre, alors, apprend souvent dans la langue française, dans ce sens-là, de ce mot-là, dans cet usage-là de la mémoire, a très souvent, malheureusement, un sens négatif. Bien sûr, revivre peut avoir le sens merveilleusement positif d'une renaissance, mais alors on a tendance à le déplacer et à le séparer de la mémoire, justement. Ce que la mémoire nous fait revivre, c'est plutôt les traumatismes du passé. On peut même dire, on peut définir comme traumatique un souvenir qu'on n'arrive pas à mettre à distance comme un contenu, dans un langage ou dans une histoire, dans un récit, à situer consciemment dans un passé révolu, mais un souvenir qui revient de façon à être rejoué, répété, comme s'il n'était encore présent, comme s'il nous avait marqué. Le signe, alors, de la force de ce revivre négatif, c'est le signe, précisément, du fait que la mémoire n'est pas seulement une faculté de connaissance, mais définit une dimension de notre vie. Or, qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est ce qui est capable non seulement de santé, mais de maladie, non seulement de positif, mais de négatif, non seulement de création, mais de destruction et peut-être de mort. Or, le revivre négatif est précisément l'une des dangers principaux de notre vie, ce qui prouve que nos images, notre esprit, est une faculté vitale parce que nous pouvons en souffrir. Nous pouvons être malades de revivre sans cesse le même passé, individuellement ou d'ailleurs collectivement, de telle sorte que le mot de Churchill, les sociétés qui n'étudient pas leur histoire sont condamnées à la revivre, nous fait encore trembler aujourd'hui. Ainsi, ce revivre-là doit-il être toujours repris lui-même ? Et pourtant, dans la mémoire, il y a aussi la faculté du renouveau. Le renouveau n'est pas forcément coupé de la mémoire en tant que telle. Le renouveau n'est pas forcément seulement l'inédit. L'inédit qui, par opposition à la répétition traumatique, serait totalement distinct de la mémoire, apporterait son coefficient d'imprévisibilité totale, comme le disait Bergson en son temps, son coefficient justement de distinction absolue par rapport au passé que la mémoire serait vouée seulement à répéter ou à reproduire. En fait, le revivre permet aussi parfois de faire retour à des puissances, comme le disait souvent Paul Ricoeur, des puissances inutilisées du passé, des puissances enfouies et des principes aussi auxquels il ne faut pas renoncer. Faire revivre une idée noble quand elle est menacée, faire revivre un souvenir heureux car il peut revenir seulement si on le convoque, faire revenir un principe qui, d'une certaine façon, menace de disparaître, le relancer comme s'il était nouveau, comme si c'était de nouveau l'émancipation ou la liberté, comme si c'était de nouveau un facteur de surprise, en se libérant en effet de la répétition, mais sans se couper entièrement d'une histoire pour autant, sans être dans la nouveauté supposée absolue. Alors, ce revivre-là n'est pas indépendant de la mémoire, mais il en efface le côté destructeur, pathologique ou mortel et la fait redevenir vitale. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Lila Bozès, Axel Dubois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.